Chapitre 7e. Nous fîmes halte seulement au pied des montagnes. La peur me saisit quand je vis de près ce monde de colosses granitiques, aux arêtes vêtues de brouillard, aux sommets couronnés de neiges éternelles. La grandeur et la majesté de cette masse m'écrasèrent complètement. Je priai Dieu qu'il m'aidât à la franchir avec mes hommes et ma femme adorée. À présent, notre caravane n'était plus ni gaie ni bruyante comme jadis. On n'entendait même plus jurer les conducteurs. Nous avancions dans un morne silence, troublé seulement par le craquement des essieux. Les mules étaient devenues plus têtues, et quand celles de tête s'arrêtaient, tout le convoi s'immobilisait. Ce qui me chagrinait le plus, c'était de ne pouvoir me tenir auprès de ma femme au moment où elle avait le plus besoin de ma présence. Il me fallait presque avoir le don d'ubiquité pour donner partout l'exemple et relever le moral de tous. Les émigrants surmontaient les difficultés avec cette endurance propre aux Américains, mais je le voyais bien, ils épuisaient leurs dernières forces. En revanche, mon robuste tempérament supportait tout. Certaines nuits, je n'avais pas 2 heures à dormir. Il me fallait pousser au chariot comme les autres, inspecter la caravane. En un mot, mon service était 2 fois plus pénible, mais évidemment, mon bonheur décuplait mes forces. Quand, harassé, je rentrais sous ma tente, j'y trouvais tout ce qui m'était cher, un cœur fidèle, une main tendre qui essuyait mon front humide. Jusqu'à mon arrivée, Liliane s'efforçait de ne pas s'endormir. Si je le lui reprochais, elle arrêtait mes paroles par un baiser et me suppliait de ne pas m'en fâcher. Souvent, en s'éveillant la nuit, elle me couvrait de pots de castor pour me réchauffer. Toujours calme, aimante, caressante, m'entourant de soins, elle finit par m'inspirer une telle vénération que je baisais le bas de sa robe comme une relique sacrée et que notre chariot était devenu pour moi un temple. Au milieu de ces masses granitiques, cette petite femme me faisait oublier tout. Montagnes et ravins, tout s'évanouissait, et je ne voyais qu'elle. Aussi je n'étais pas surpris de voir diminuer la force de tous, tandis que je sentais en moi que les miennes ne me feraient pas défaut tant qu'il s'agirait d'elle. 3 semaines plus tard, nous atteignîmes une gorge profonde creusée par le lit de la rivière Blanche. À l'entrée, les peaux rouges de la tribu des Ibinta nous tendirent une embuscade, qui tout d'abord mit de la confusion dans nos rangs. Mais lorsque leurs flèches rougeâtres commencèrent à voler autour du chariot où se trouvait ma femme, je m'élançai contre les Indiens avec une telle fougue qu'ils décampèrent de tous côtés. Les 3/4 tombèrent dans le combat. Le seul prisonnier qui fut fait, un enfant de 16 ans, se mit, dès qu'il eut retrouvé ses esprits, à me faire les mêmes gestes que n'avaient les Yampos. Je crus comprendre que des Blancs se trouvaient à proximité, mais comment admettre si vite une pareille nouvelle? Le sauvage disait vrai cependant, et l'on s'imaginera facilement notre surprise et notre joie quand le lendemain du sommet du plateau nous aperçûmes à nos pieds, au fond de la vallée, non seulement des voitures, mais encore des maisons qui paraissaient de construction récente. Les cabanes étaient rangées autour d'un grand hangar sans fenêtres, et des mules, sous la garde de cavaliers, paissaient près d'un ruisseau. La présence d'hommes de ma race me donna d'abord à réfléchir. Je m'inquiétais même à la pensée que ce pouvait être là un village habité par ces outlaws, qui se mettent à l'abri de la justice après avoir commis des crimes. Je savais par expérience que de pareils réfractaires se retirent dans les endroits les plus déserts, où ils fondent des colonies solidement et militairement gardées. Parfois, de nouvelles sociétés s'en détachent, qui vivent d'abord d'incursions sur les territoires habités, et plus tard seulement, quand la colonie devient très nombreuse, elle rentre dans l'union des États. Souvent j'ai eu maille à partir avec les outlaws sur les rives escarpées du Mississippi quand je faisais le trafic de bois avec la Nouvelle-Orléans. Plus d'une fois j'avais eu avec eux des rencontres sanglantes. Je connaissais donc parfaitement leur audace téméraire et leur cruauté. Je les aurais moins craints si Liliane ne se fût trouvée parmi nous, mais à la pensée du sort qui lui serait réservé en cas de défaite ou si je venais à succomber, mes cheveux se dressaient et je grelottais de peur comme le dernier des lâches. Au surplus, quant à éviter une affaire avec les outlaws, il n'y avait pas à y songer, et c'était autre chose que de se battre contre les Indiens. Après avoir conseillé la prudence à mes hommes, je les préparais au combat. J'étais prêt à mourir ou à anéantir ce repaire de bandits. À ce moment, on nous remarqua de la vallée et des hommes vinrent au galop à notre rencontre. Je respirais, soulagé. Les outlaws ne nous auraient pas dépêchés des envoyés. En effet, c'étaient des trappeurs de la compagnie américaine qui fait le commerce des fourrures et leur campement était un summer camp ou camp d'été. Au lieu d'une bataille, nous attendait une réception des plus cordiales et le secours le plus large de la part de ces chasseurs du désert, rudes mais honnêtes. Ils nous accueillirent à bras ouverts et nous remerciâmes Dieu de nous envoyer un repos aussi bienfaisant. Il y avait 2 mois et demi que nous avions quitté le Big Blue River. Nos forces étaient à bout, nos mules à moitié mortes, tandis qu'ici nous pouvions en 8 jours, en pleine sécurité et avec d'abondantes provisions, nous restaurer à souhait. Mr. Thompson, le chef du convoi, homme instruit, apprenant que je n'étais pas non plus un vulgaire coureur de steppe, me prit aussitôt en amitié et mit à ma disposition sa cabane, ce qui était d'autant plus heureux que la santé de Liliane commençait à en avoir besoin. Je l'obligeai à garder le lit pendant 2 jours. Elle était si lasse que pendant les premières 24 heures, elle n'avait presque pas ouvert les yeux. Pendant ce temps, je me tenais à son chevet et je la contemplais. Ce repos de 2 jours la remit sur pied. Les premiers jours, nos hommes dormaient d'un sommeil de plomb, à l'endroit même où ils se couchaient. Puis ils commencèrent à ranger les chariots, à raccommoder les vêtements et à laver le linge. Les bons trappeurs nous aidaient en tout. Pour la plupart, ils étaient originaires du Canada. Ils passaient l'hiver à chasser le castor, le skunk et la martre, et l'été dans des summer camps où ils emmagasinaient leur fourrure. Les peaux préparées étaient expédiées sous bonne garde vers l'Orient. Le service de ces hommes était fort pénible. Il leur fallait s'enfoncer dans des régions lointaines, vierges, où les bêtes n'étaient pas encore apeurées, mais où les menaçaient eux-mêmes des rencontres avec les peaux rouges. Leurs émoluments étaient en vérité assez élevés, mais la plupart se livraient à ce métier non pas en vue de gain, mais poussés par la soif d'aventure qui d'ailleurs ne manquait pas. C'étaient tous des hommes d'une santé de fer, pouvant supporter toutes sortes de misères. Leur haute taille, leurs bonnets de fourrure et leurs longues carabines rappelaient à ma femme les romans de Cooper. Elle examinait avec un réel plaisir le campement et tous ses ustensiles. Thompson les tenait dans une discipline très rigoureuse et dans un ordre parfait qui les faisait ressembler à des moines chevaliers. Le temps s'écoulait donc très agréablement au milieu de ces honnêtes gens. Nous leur plaisions aussi, car, disaient-ils, il leur arrivait rarement de rencontrer une caravane aussi bien ordonnée. Thompson approuvait mon plan de route par le nord, au lieu de celle de Saint-Louis ou du Kansas. Il me raconta qu'une caravane de 300 hommes, qui avait pris ce dernier chemin, sous le commandement d'un certain Mark Wood, avait perdu toutes ses bêtes en raison de la chaleur et des sauterelles, et finalement avait été entièrement égorgé par la tribu des Apaches. Les trappeurs le tenaient des Apaches eux-mêmes, qu'ils avaient battus à leur tour, en leur prenant 50aine de scalps, parmi lesquels celui de Mark Wood. Cette nouvelle fit une telle impression sur mes hommes que Smith lui-même, ce vieux loup aguerri qui pourtant avait critiqué mon plan de suivre la route de Nebraska, m'avoua devant tout le monde que j'étais plus smart que lui et pouvais lui donner des leçons. Bientôt nos forces étaient revenues. Indépendamment de Thompson, je devins l'ami de Mick, fort connu dans tous les États. Il ne faisait pas partie de la bande des trappeurs, mais il errait à travers le désert en compagnie d'un autre aventurier non moins célèbre, Lincoln et de Kit Carson. Ces hardis pionniers entreprenaient des incursions contre diverses tribus indiennes. Leur étonnante perspicacité et une bravoure à toute épreuve les conduisaient presque toujours à la victoire. Le nom de Mick, aujourd'hui connu de tous, était si redouté des Indiens que sa parole valait plus à leurs yeux que tous les traités avec les gouvernements des États. Ceux-ci, d'ailleurs, avaient souvent recours à son intervention, et plus tard, il fut nommé gouverneur de l'Oregon. À l'époque où je le rencontrais, il frisait la 50aine, mais ses cheveux étaient noirs comme l'aile d'un corbeau, et son regard exprimait en même temps une grande bonté et une témérité sans bornes. Il était considéré comme l'homme le plus vigoureux de tous les États, et lorsque j'essayais de lutter avec lui, à mon étonnement, je ne pus le terrasser. Cet homme généreux se prit d'une grande affection pour Liliane, et avant notre départ, il lui fit cadeau d'une paire de petits mocassins confectionnés par lui-même avec de la peau de cerf. Cadeau qui vint fort à propos, car ma pauvrette n'avait plus de chaussures convenables. Accompagné des meilleurs souhaits, pourvu de toutes sortes de provisions et de conseils sur la meilleure route à suivre, nous nous remîmes en chemin. Le bon Thompson garda nos mules fatiguées et nous en donna en échange de fraîches qui s'étaient reposées tout l'été. Mick, qui connaissait à fond la Californie, nous disait merveille, non seulement de ses richesses, mais de son air pur, de ses magnifiques forêts de chênes et de ses gorges, qui n'avaient pas leur pareil dans tous les états. Nos cœurs étaient donc pleins d'espoir. En quittant les braves Canadiens, nous agitâmes longtemps nos chapeaux. Quant à moi, j'avais un motif particulier de ne jamais oublier cette journée. La lumière de mon âme, entourant mon cou de ses bras et toute rouge d'émotion et de pudeur, murmura à mon oreille quelque chose qui m'obligea à tomber à ses pieds, à baiser les genoux non seulement de ma femme, mais encore de celle qui allait être la mère de mon enfant.